5 cigarettes et un jus de pomme. L'approche, la pêche, la cogne. 9h du timbre, je grogne. La voisine pense que je suis sous alcool. Seulement un quart de siècle, mais j'ai la vie de 34 hommes. J'ai peur des 27, sucer un canon, pas un gomme coin. J'suis en guerre depuis mes 8 ans, j'tiens la garde depuis mes 10 ans. Y'a mes plumes dans le caniveau, bientôt le plomb qui a éteint mes rivaux. J'pisse dans le violon pour le niveau, sur la terre fraîche faut niveler. Pourquoi tu stresses, petite pédale sur ma tombe, tu pourras pisser. Ça veut me baiser, j'dis nichène, il repousse plus loin le lichen. Mes galops dont la mâchoire, j'ai déjà bouffé plus de 1000 chaînes. J'encule des whisky tourbés, ça me donne pas plus de toupet. À jeun, j'fais pas les courbettes, comme ces putes en tenue de soubrette. Lèche-moi les couilles, mange-moi le paf, sinon crève-moi sur le trottoir. Chaque jour, j'défie la trotteuse, cette chaîne veut pas de mon histoire. Ça me baisait fort dans la cave, aujourd'hui c'est moi, j'pèse la cave. Late back ma vie, je racave, comme si le temps je rattrape. Vous vouliez un petit peu de moi, bah voilà, vous êtes servi. Le môme a dû s'affranchir, le môme veut plus rendre service. Les anges, ces chiens sont sévères, les démons ont trop sévi. Dans une liqueur, j'me désosse, la matière est tout pourrie. T'attends le hook, sale zoulette, le F, pas la sky roulette. Des meurs dans la roulotte. À la Jackie, j'cris rouler. Tête brûlée depuis l'époque 2, la PSP, petit merdeux. Mes grolls, vous allez cirer, sinon j'fais siffler le 22. Plus la prod avance, plus la taille se vide. Mon cœur, j'sais même pas. J'm'en bats les couilles, de toute façon. Venez sucer mon canon, bande de PD. J'ai que du plomb et du crachat pour vous. Des larmes de sang ont coulé, j'ai avalé le goût du fer. La lueur du 38 spécial, le voilà mon bout de lumière. Les syllabes bâtards se chevauchent comme les chicots d'un petit cassos. Que sa mère a laissé crever la bouche pleine d'abcès, vlax et atroce. L'enfance qui pue, j'en ressors. Comme tonton GG, v'là le mort. Et là, chiale pas sur mon sort. Je graisse la culasse, le ressort. T'as des frissons, je le ressens. C'est toujours le F qui te resserre. Complètement pété sous flash. V'là qui divague le crosshair. Que le monde crame, je m'en bats les couilles. Je fais des rêves de ma dépouille. Je vois mon avenir au dépôt. Ou dans la rue comme despo. J'ai tellement mal, je le sens plus. Un schlasse de plus, je le sens pas. Un demi-litre de sans plomb, ça me laverait pas l'estomac. J'avance malgré les traumas, je me faufile dans les trous d'air. Je me refais une gueule chez Kruger, je me détruis sans atout l'air. Ressens-tu le seum, la douleur? Comment mes organes se serrent? Changer cet homme, c'est plus l'heure, il a plus la force de le faire. Seulement un quart de siècle, mais j'ai la vie de 34 hommes. J'ai peur des 27, sucer un canon, pas un gomme coin. J'suis en guerre depuis mes 8 ans, j'tiens la garde depuis mes 10 ans. Y'a mes plumes dans le caniveau, bientôt le plomb qui a éteint mes rivaux. J'pisse dans le violon pour le niveau, sur la terre fraîche faut niveler. Pourquoi tu stresses, petite pédale sur ma tombe, tu pourras pisser. Ça veut me baiser, j'dis nichène, il repousse plus loin le lichen. Mes galodons, la mâchoire, j'ai déjà bouffé plus de 1000 chaînes.